Coucou tout le monde! Le nom de l'épisode vous intrigue? Eh bien, trêve de cachotterie. Je lis beaucoup. Et il s'avère qu'il n'y a pas longtemps, j'ai dû faire le tri pour alléger ma bibliothèque qui était sur le point de craquer. Résultat des courses, j'ai fait une sélection de livres et de BD dont je souhaiterais vous faire profiter. J'en ai une bonne trentaine à lire dès 7-8 ans, mais qui plairont également aux plus grands. Pour tenter de recevoir une BD ou un livre, tout ce que vous avez à faire, c'est de demander à vos parents de m'envoyer un message sur mon adresse email. Mathieu@delming.com ou bien sur Instagram, en mentionnant votre prénom, votre nom et votre adresse. Quelques jours plus tard, les premiers recevront une BD ou un livre, pris au hasard dans ma pile. Et si jamais votre message arrive après que mon stock se soit entièrement vidé, pas de panique. D'ici quelques mois, je recommencerai. J'espère que l'initiative vous plaira. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.